petit peu de BD, les gars. Avec plaisir. L'événement, encore une fois. L'événement de cette fin novembre, début décembre, c'est quand même la sortie du nouveau tome de La quête de l'oiseau du temps. Ça ne dit peut-être pas grand-chose à nos amis auditeurs, mais La quête de l'oiseau du temps, c'est un monument de notre ami Régis Loisel. Régis Loisel, on le connaît un petit peu ici à Pop Culture, puisqu'on vous a parlé déjà à trois reprises, puisqu'il y a trois tomes de cette magnifique BD qu'il a écrit avec Trip. Le magasin général, BD à quatre mains, dont on a déjà dit beaucoup de bien, et puis moyennement du bien, et puis bon, voilà. Mais qui c'est quand même une référence malgré tout. Eh bien, évidemment, avant Le Magasin Général, avant Peter Pan, Régis Loisel a fait une immense fresque BD-esque qui date des années 80, si je ne m'abuse. Il faudrait que je revérifie ça dans les... Qui doit s'être étendu, à mon avis, à peu près sur toutes les années 80. Oh, parce qu'il doit y avoir quoi, 4-5 tomes. Oh oui, facilement, donc, facilement. Il y a de quoi s'occuper pendant une bonne dizaine d'années. Et je pense qu'au scénario, c'était Le Tendre. Voilà, c'est d'ailleurs. Ça. Et donc, oui, j'étais en train de chercher la date. Et donc, le premier tome de La quête de l'oiseau du temps, c'était 82. Et donc, ça s'est étalé. Il y a 4 tomes en tout. Il y avait même eu un jeu vidéo à l'époque. C'est juste. Mais qui, dans mon souvenir, n'était pas... Qui n'a pas marqué l'histoire. Non, pas... Voilà. 4 tomes parus. La quête de l'oiseau du temps, c'était quoi? C'était une quête, la quête d'une jeune donzelle, comment on va dire, généreuse. Voilà. Fondamentalement généreuse. Voilà, vous n'aurez qu'à regarder les images, la quête de l'oiseau du temps. Et de noble extraction, si j'ai bien. Et de noble extraction, car fille de Marat, la reine sorcière, enfin la princesse sorcière, dans un pays complètement imaginaire qui s'appelle Akbar. Akbar, pour la petite histoire, en arabe, ça veut dire grand. Peu importe. Et Akbar est un pays composé de différentes marches avec des princes sorciers. Et c'était, alors c'est l'équivalent d'un roman fleuve, puisque c'est la quête de l'oiseau du temps, pour être plus précis, de l'œuf de l'oiseau du temps qui a des propriétés magiques censées sauver le royaume, car le royaume est au bord de la destruction. Je vous passe les détails qui n'ont finalement pas beaucoup d'importance, puisqu'on sait très bien que, comme dans toutes les quêtes, ce qui est important, c'est pas du tout l'objet qu'on cherche, c'est le chemin qu'on met pour le trouver, bien entendu. Police accompagnée, personnage principal, mais en même temps pas personnage le plus au cœur de l'action, puisqu'elle est essentiellement accompagnée de deux suivants qui sont Bragon, Chevalier Bougon, car chevalier vieux avec une barbe et qu'on va pas le faire chier, nom de Dieu. Donc une espèce de groom. Comment dire, d'Obi-Wan Kenobi mais version groomf comme ça. C'est ça. Obi-Wan Kenobi qui aurait mangé des haricots qui ne lui réussissent pas. Quelque chose comme ça. Avec une grosse hache. Voilà. Oui, avec une très très grosse hache. Et puis d'un autre compagnon qui est l'inconnu. Voilà, une espèce de loser lubrique qui est juste intéressé par la générosité de Pelisse. De Pelisse, et qui est l'inconnu puisqu'il s'est collé un espèce de machin sur la tête qu'il n'arrive pas à enlever, donc on ne voit jamais son visage tout au long du bazar. Veuillez vraiment nous excuser pour tous ces incidents. Tu crois que ce serait des morts, comme sur les bruits qu'on entend sur les cassettes et tout ça. Et vous nous laissez des messages, bien. Est-ce qu'on reconnaît des voix ou quoi? Non, je pense qu'il y a juste une tranche qui est morte, mais bon, c'est pas grave, je vais changer tout à l'heure. Peu importe. Donc, La quête de l'oiseau du temps, je disais, c'est une immense saga qui a marqué non seulement par son ampleur, par la beauté, la magnificence de son écriture et du dessin de Régis Loisel, qui, si vous le connaissez à travers des choses comme Peter Pan ou Le Magasin Général, bon, Le Magasin Général n'est pas très représentatif puisque, on l'a dit, c'est réellement une BD à quatre mains. Ici, dans Peter Pan, c'était vraiment lui. Il a beaucoup mûri dans son dessin et c'est vrai que quand on reprend le premier et le deuxième tome de La quête de l'oiseau du temps, c'est un dessin qui est presque plus naïf. C'est tout aussi détaillé, c'est tout aussi riche, mais il y a quelque chose, effectivement, de jeunesse, un peu dans le trait, qui surprendra peut-être nos auditeurs. La quête de l'oiseau du temps, c'est absolument ébouriffant et impeccable. Ouais, et c'était à l'Heroic Fantasy ce que l'Incal a pu être à la même époque pour la science-fiction. Tout à fait. Quelques années auparavant, si j'ai bonne mémoire, pour l'Incal. Non, c'était un tout petit peu avant le début des années 80 ou non, quelque non, chose non, comme plein ça. Dans les années 80, ouais, ça s'est terminé fin des années 80. Ben voilà. Donc, si vous aimez un peu... l'archéologie, on va dire, en BD, mais plongez-vous dedans. Il y a une intégrale parue chez Dargaud, augmentée de quelques planches de commentaires, etc. Pas indispensable, mais qui valent quand même le détour. Donc, bref, voilà la quête de l'oiseau du temps. On ne peut pas, si on aime la BD et si on aime le fantastique, ignorer complètement l'existence de ce machin. C'est quand même absolument incroyable. Des personnages qui sont plantés dans l'histoire de la BD. Le Rige, qui est cette espèce de guerrier solitaire et totalement implacable que nos amis vont devoir affronter au cours de leur quête, et ce sera un combat absolument sans merci. Et puis c'est ce qui est fabuleux dans cet univers de la quête de l'oiseau du temps, c'est que c'est un monde où à chaque coin de case il y a des trouvailles. C'est pas seulement de l'habillage avec de la végétation fantastique et des animaux, etc. Non, à chaque coin de case, il y a des insectes qui jouent un rôle, qui sont totalement cohérents, qui sont incroyables graphiquement, et tout ça est absolument travaillé. Donc c'est un vrai univers. C'est complètement incroyable comme univers dans lequel on s'immerge. C'est vraiment incroyable. Voilà. D'autant que quand on lit La quête de l'oiseau du temps, on a presque un goût de trop peu. C'est immense, ça fait, si je ne m'abuse, presque 300 pages, quelque chose comme ça, non ? Ouais, par là, ouais. Je pense que ça doit faire 200-300 pages. Mais il n'y a que 4 tomes, mais ce sont des tomes qui comportent 50 ou 60 pages. Ouais, 250, ouais, quelque chose comme ça. Pages. Voilà. Donc c'est vraiment immense, on a presque un goût de trop peu en arrivant à la fin, tellement... Mais rien que les marches sont un pays... Enfin, les marches, ce sont des royaumes. Chaque royaume en lui-même est totalement cohérent, caractérisé avec des races propres, des styles de vie propres, des coutumes, des villes, etc. On a envie d'aller explorer vraiment ce monde. Vraiment heroic fantasy au sens le plus noble du terme, en plus bourré d'humour. Et en plus bourré d'humour, oui. Ça c'est vrai que c'est une grande caractéristique de la quête, c'est ce second degré permanent qui émaille absolument toutes les histoires. Alors, oui. Avant de te lancer dans cette préquelle, goût de trop peu, d'autant plus qu'à la fin du dernier tome de La quête de l'oiseau du temps, il y avait une petite annotation en dessous de la dernière case, quelque chose du genre « fin du premier cycle ». Exactement. Fin du premier cycle, il faut quand même bien dire que cette espèce de salaud de Loisel nous a un peu laissé dans l'expectative pendant plusieurs années, puisqu'on se doutait bien qu'avec un univers pareil viendraient d'autres histoires derrière. Mais alors... On doit aussi dire, sans absolument dévoiler quoi que ce fût des 20 dernières pages de cette quête, mais la fin de La quête de l'oiseau du temps, c'est absolument désespérant. On a envie de se suicider après la dernière planche. C'est une fin qui a un tel retournement de situation, ça remet tellement totalement en question toute la lecture de la saga que c'est complètement bouleversant. Donc après un truc pareil, on se dit mais non, il peut pas nous laisser là, c'est pas possible. Or, effectivement, pendant plusieurs années, Loisel a abandonné le projet. On peut bien imaginer que, ayant tenu à bout de bras une œuvre aussi conséquente, aussi colossale, on peut bien imaginer qu'il a eu besoin de vacances et que, bon, il est pris envie de recliner un autre univers, Peter Pan en l'occurrence. Voilà. Peter Pan en l'occurrence, puisque c'est à ce moment-là qu'il a commencé Peter Pan. Et puis, ça suffit. Il a quand même fait pas mal de choses. Il a storyboardé des films. Le film Le Petit Poucet, ben c'est lui qui a fait ça. Bon, c'était relativement récemment, c'était 2005-2006. Il a travaillé sur Mulan pour Disney. Il a travaillé avec Alberto Varanda pour préparer le magasin général. Et puis il a vraiment conçu et dessiné et tenu à bout de bras le magasin général, et il dit lui-même en interview que d'un strict point de vue professionnel il ne ressentait absolument pas le besoin de reprendre la quête, parce que le magasin général, bah, ça lui suffisait pour vivre.